Ce couplet s'adresse au petit qui bosse, celui que tu vois dans la rue quand tu sors de boîte et qui caille, le même qui se réveille avec courage et force pendant que toi tu vas te plaindre parce que tu ne veux pas chercher de travail. Y'a celle qui préfère squatter toutes les boîtes à balancer des miettes de pain afin d'attraper un pigeon de complète. T'étonnes pas si la vie te met des claques, certes on ne choisit pas son destin, mais tu peux jeter un œil sur tes cartes. Il paraît que l'habit ne fait pas le moine, alors garde la foi, on sait jamais, ça peut dépanner. Même si t'as l'impression que les fleurs sont toujours fanées, y'aura quelqu'un qui saura bien les arroser. Surtout occupe-toi bien du padre et de la madre, car rien n'est éternel ici, on n'emporte que des regrets. On donne, on te reprend, tu donnes que l'important. Toi tu réfléchis pendant que la cité dort. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. D'avancer quand les obstacles sont des murs. Heureusement que la santé fait que tu gardes ton allure. À toi de partir à la quête des cités d'or. Aussi long que le temps passe, à vite on apprendra encore. Patience et persévérance seront dans tes demandes, ami. Clique, accepter si t'as compris. Il paraît que l'habit ne fait pas le moine, alors garde la foi, on sait jamais, ça peut dépanner. Même si t'as l'impression que les fleurs sont toujours fanées, y'aura quelqu'un qui saura bien les arroser. Surtout occupe-toi bien du padre et de la madre, car rien n'est éternel ici, on n'emporte que des regrets. Tu donnes que l'important. Toi tu réfléchis pendant que la cité dort. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton